On a appris aujourd'hui la mort de Cynthia Lennon. Alors avant de commencer l'émission, je vous propose d'écouter une chanson que Julian avait fait pour sa mère. Une chanson qui s'appelle Beautiful, qui est extrait de l'album Everything Changes de 2013. La voici. C'est à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 251. Vous êtes bien sur RIG, sur 90.7 pour la région bordelaise et pour le reste du monde, c'est sur www.rigfm.fr. Aujourd'hui, eh bien, puisque c'est presque mon anniversaire, c'est dans 5 jours si vous voulez savoir, eh bien, j'ai décidé de me faire plaisir, de m'auto-offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est 100% McCartney pendant 2 heures des Beatles jusqu'à maintenant, jusqu'à très récemment. Et en plus, j'ai eu le petit gag de 1er avril de vous cacher la playlist, puisque ceux qui nous suivent sur Maca Club ont eu la surprise de voir une playlist qui ne correspondait absolument pas à ce que j'avais promis.

Je suis très content parce que cette saga évolue bien. Le podcast a été pris la semaine dernière par 28 personnes, alors qu'il y a encore quelques mois, il y avait seulement une dizaine de personnes qui prenaient le podcast. Je parle simplement sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Après, il est pris également sur Maca Club, il est pris sur le site Beatles Magazine, et je n'ai pas de compteur sur ma Dropbox, donc je ne peux pas savoir combien de personnes prennent le podcast. Si vous prenez le podcast, ayez la gentillesse de l'indiquer dans le topic qui est marqué, qui est ancré en haut du groupe La Saga des Fab Four sur Facebook. Comme ça, on va essayer de battre de semaine en semaine des records. Le record à battre de cette semaine est de 28 personnes. Et j'ai parlé de Facebook, vous êtes déjà nombreux sur Facebook. Je parle également du Maca Club, et sur le Maca Club, il y a une personne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de Penny Lane. Alors on lui souhaite un très joyeux anniversaire de la part de toute l'équipe de La Saga des Fab Four. Get back arms get long. Je voudrais remercier tout le monde au nom des filles et de moi-même, et on espère qu'on a passé l'audition, disent les Beatles et surtout John Lennon sur le toit en plein Londres là. Un grand moment, j'aurais aimé être là, mais à l'époque je n'avais que 5 ans. Une qui était peut-être là, je ne connais pas son âge, c'est Lovely Rita. Lovely Rita, elle habite à Londres et elle est la responsable du Beatles Magazine que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Google et sur bien d'autres supports. Si vous voulez tout savoir sur les Beatles, sur John, Paul, Ringo, il a de l'actualité Ringo, et George, sur également les animateurs radio qui font des émissions radio, comme par exemple Michael Onorato et Beatles Tonight, le lundi soir de 10h à minuit aux États-Unis, c'est 4h du matin en France, ou mon ami Kyle qui fait une émission qui s'appelle Beatles Mania à Toronto, au Canada, en anglais, le mercredi après-midi à 16h, je crois, ou alors 17h. Oh, j'ai un trou. Mais en tout cas, vous pouvez avoir tous ces renseignements sur Beatles Magazine. Vous allez sur ses pages et vous saurez absolument tout. Parce qu'elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et même 366 jours par an, même si ce n'est pas une année bissextile. Merci, Lovely Rita. Two of us riding nowhere, spending someone's hard-earned pay. You and me Sunday driving. we're going home. You better believe it. Sur l'album Let It Be Naked, on progresse. C'est Clément du Maca Club qui l'a remarqué. On progresse dans le temps de manière chronologique aujourd'hui dans ce spécial Paul McCartney. Alors puisqu'on a commencé avec Got to Get You Into My Life, on arrive vite à la fin des Beatles parce que il faut encore couvrir de 1970 à 2014 et en deux heures, c'est franchement difficile. Habituellement, je mets ce morceau-là en fin d'émission pour conclure l'émission. Et bien là, c'est déjà là. Voici la fin, le short medley d'Abbey Road. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Golden slumbers fill your eyes. Smiles awake you when you rise. Sleep, big darling, do not cry. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Il est sûr qu'après ça, c'est quand même difficile d'arriver à remonter la barre aussi haut. Bah, Paul McCartney va réussir avec ce titre merveilleux que tout le monde lui donne comme étant l'un de ses plus beaux titres de toute sa carrière. Voici, en 1970, Maybe I'm Amazed, Paul McCartney sur RIG. Les années dans ce spécial Paul McCartney entre sa période Beatles et maintenant. Nous avons franchi 1970-1971 avec Ramond, tiré de l'album Ram, et le voici encore la même année, une face B et cette chanson Oh Woman Oh Why sur RIG. l'embêtant quand on est fan de Paul McCartney, comme je le suis, comme vous, vous l'êtes, c'est qu'on se dit, allez, je vais jeter comme ça quelques chansons que j'aime beaucoup de McCartney au hasard, et puis on verra. Et puis on se rend compte que on en a mis 60 de côté et qu'on n'a vraiment même pas fait le tour. On en a laissé plein qu'on n'a pas pris, en se disant, bon, bah, on va pas passer celle-là ce coup-ci. Et quand on a 60 chansons, on se dit, il n'en faut que 30. Il va falloir que j'en choisisse. Et là, donc, on a envie de faire plusieurs Best of McCartney, quoi. Mais on va se limiter à 2 heures cette fois-ci. Et puis après, on fera un spécial. Enfin, ce sera Ringo Starr, qui sera l'album de la semaine prochaine. Nous allons nous arrêter 9 minutes sur l'année 1973 et pour cause. Jet à venir, puis 1985 sur RIG. Montez le son, c'est Jet. Cartonné dans la saga. constater, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir. Je vous propose Paul McCartney depuis les Beatles jusqu'à maintenant, en 2015. Et quelquefois, les versions sont différentes. Elles correspondent à peu près aux années, mais c'est pas toujours dans les versions que vous connaissez. Si vous êtes vraiment fan de McCartney, obligatoirement, vous connaissez ces versions-là. Et notamment, cette version de 1985 est absolument fabuleuse parce que Paul McCartney pousse sa voix, et j'adore quand il pousse sa voix. Voici une face B, nous sommes arrivés en 1982 déjà, et c'est la face B de Take It Away, voilà, c'est I'll Give You a Ring sur RG. You look a little lonely, maybe I can meet you, tell me where to reach you. The second feature, Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming. Give me your number, I'll give you a ring. You look a little hungry, maybe I can take you. Tell me when to wake you. Looking at the menu, Lord, I can't even believe my eyes, I must be dreaming. Give me your number, I'll give you a ring. Oh man, I know I won't be lonely anymore. Me and my phone, I'm gonna call. Tell me where to reach you, and I'll give you a ring. I'll take you to the pictures, miss a second feature. Lord, I can't believe my eyes, I must be dreaming. Give me your number. Little sleepy, wanna go to bed, dear. Tell me we can wed, dear. I'll give you a ring. Take you to the chapel, listen to the sermon. Lord, I can't believe my ears, I must be dreaming. Give me your number. Jean-Philippe sur Facebook marque qu'il ne connaît pas cette chanson, et ça, ça peut toujours arriver, et cette émission-là est faite pour ça, pour vous faire découvrir des chansons que vous ne connaissez pas, des Fab Four, ou alors des titres que vous connaissez, et quelquefois dans des versions différentes. Eh bien, il trouve que ça fait très Beatles. C'est bien, pourquoi pas. Merci JP, et continue à écouter Paul, tu vas finir par apprécier énormément. Voici Paul en live, certainement, alors ça c'est mon goût à moi, son meilleur live. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, en 1976, il a la voix, The Voice. Et les chansons sont vraiment extraordinaires. Voici Beware My Love. À l'époque, dans les années 70, lorsqu'il chantait des chansons en live, il les vitaminait, il les survitaminait, même c'était encore plus fort que la version studio. Beware My Love, et juste après, il y aura la version studio, je crois, de Let Them In sur RG. I'll leave. Lovely Rita writes on Facebook, All Sides of Paul. Et Thierry, oui, All Sides of Paul McCartney, cette fois sur RIG dans la saga des Fab Four. McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. And cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Comme sait nous faire Paul McCartney, j'adore ce morceau. Girls' School, une face B à l'époque. Et puis, si vous voulez le retrouver, cette chanson-là, vous la retrouvez sur l'album London Town en CD. À l'époque du vinyle, ça n'était pas du tout cette chanson-là. Elle ne figurait pas sur cet album. Nous sommes maintenant en 1980 sur l'album McCartney 2. McCartney est chez lui, il s'amuse à tout faire lui-même et quelquefois à expérimenter un petit peu. Voici une chanson que j'ai mis longtemps à admettre, à comprendre, mais je l'aime bien finalement. Temporary Secretary, pas facile à dire sur RG. Années 80, totalement années 80. Someone strong and sweet fitting on my knee. She can keep her job if she gets it wrong. Ah, but Mr. Marks, I won't need her long. All I need is help for a little while. We can take dictation and learn to smile. And a temporary secretary is what I need for to do the job. I need a I don't need a true romancer. She can be a diplomat, but I don't need a girl like that. She can be a neurosurgeon if she's doing nothing urgent. What I need's a temporary, temporary secretary. Sur, si vous avez acheté le coffret McCartney 2, il y a une chanson qui s'appelle Bubble ou quelque chose comme ça. Celle-là, je ne peux même pas l'écouter parce que c'est bo-bo-bo-bo-bo-bo tout le temps. Bon, bah écoutez, McCartney, c'est ça, c'est, il est capable de faire le meilleur, l'extrêmement bon, le génial, le fantastique, et puis de temps en temps, un petit truc qui n'est pas extraordinaire, mais qu'il a dû faire en 5 minutes, quoi. C'est tout, c'est tout. Celle-ci, elle est belle, il y a Ringo dessus, Ringo à la batterie. Voici So Bad sur Pipes of Peace. Was it open? Julie a raison, sur Maca Club, elle dit « On voit très bien Ringo Starr faire bom bom bom avec sa batterie et avec sa bouche. » Et il le fait sur le clip. Ça semble anodin, mais n'empêche, c'est marrant parce qu'on s'en souvient des années après. Ça aussi, c'est une phase B à un moment donné, je crois. Elle n'était pas sur l'album à l'origine. Voici Right Away sur RG. Ce sera suivi de Put It There de 1989. Hey, yeah. So I think it's worth to mention that if I can deliver, well, there wouldn't be no heavy price to pay. You need love, so write a letter. You need love, right away. If you need to feel better, do it now, right away. Seems to lead the boys astray. Don't you forget it. Well, you know you won't regret it. Say, I've got the answer. You were looking at it long before today. You need love. So write a letter. You need love. Right away. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. Fight. I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along, put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. as long as you and I are here, put it there. As long as you and I are here, put it there. Un souvenir de son père qui lui disait si ça pèse trop lourd, pose ça là. Et puis voilà. Mais belle chanson de 1989. Alors j'ai dit qu'on remontait le temps de l'arrière vers l'avant. Oui, et puis de temps en temps on revient un petit peu en arrière parce que quelquefois j'ai choisi des chansons côte à côte pour des questions de rythmique, pour des questions de style également. Mais c'est pas grave, on va progresser vers 2015, vous allez voir. Voici une chanson que vous m'avez demandé dans cette version-là, je crois. Things We Said Today, mais en live. Okay, chaps? Right. Yeah, okay. One, two, three, four. You say you will love me if I have to go. You be thinking of me. Today, you say you'll be my girl till the end of time. This is such a kind girl, seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say. Then I will remember things we said today. While we are just a lucky guy, love to hear you say the love is love. And though it may be blind, love is here to stay. And that's enough to make you mine, girl. Be the only one. Love me all of the time, girl. We'll go on and on. Someday C'est cadeau. On est aux alentours de 1979. Et vous êtes bien sur RG 90.7. Play out, and every day I wanna do and be with you. D'accélérer parce qu'il reste 33 minutes de chanson et 28 minutes sur le compteur. Voici Hope of Deliverance suivi de The World Tonight sur RIG. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always. you sitting at the center of a circle. Everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there. I saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. Saw you swaying there. I don't care what you wanna be. I go back so far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say. Secret conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening in. Never mind what they wanna do. You got a right to your point of view. It doesn't matter what they say. Of paparazzi, you were hoping that the clown would swallow you. I saw you hiding there. I don't care what you wanna be. I go back so far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight, and I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong. How can I help it, but don't know the song? All day I try to be a man. Help me to do it, show me the plan. I compris quand même qu'il traverse bien les années, notre Paul McCartney, entre les Beatles et puis les années 70, 80, 90. On va bientôt arriver au... Ben, on arrive d'ailleurs aux années 2000. Voici Tiny Bubble en 2001 sur RIG. Less on you. I well remember when my heart was free, my soul could laugh, my soul could weep. If you're part of my love, don't leave home tonight. While we're sleeping, we could learn to see that all the world's a tiny bubble inside. Those of us who notice are expected to hide. All the world's a tiny bubble floating inside. The truth. What I've been going through, I wouldn't wish it on a soul, much less on you. I well remember when my soul was free, my heart could sing, my soul could weep. La machine maintenant sur RIG. On va jusqu'au bout, les manettes à plein gaz. Voici Paul McCartney à nouveau en 2005 cette fois-ci sur Chaos and Creation in the Backyard et Friends to Go, un hommage à George Harrison. I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go.

of Wax sur RIG, tiré de l'album Memory Almost Full en 2007. Un an plus tard, il nous fait croire qu'il s'appelle le Fireman, mais on sait très bien que c'est Paul McCartney. Et voici Sing the Changes sur RIG. Toujours là, toujours prêt à essayer d'aller dans de nouvelles directions. J'adore Paul McCartney, je pense que ça restera comme ça tout le restant de ma vie. Nous sommes maintenant en 2012 et c'est live. Je me rappelle, je m'étais levé à 2 ou 3 heures du matin pour le voir en direct sur iTunes Live, je crois, ou je sais plus trop quelle chaîne, mais en tout cas, j'avais pu le voir en direct, c'était merveilleux. Monsieur Paul McCartney et My Valentine. L'ambiance est beaucoup plus... On danse ? What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights

s'appelle l'album New, et c'est sur RIG. Ça a remonté quasiment jusqu'en 2015. En fait, attendez un peu. Vous allez entendre juste derrière. Paul ne chante pas, enfin je crois pas. Mais il était à la guitare, c'est lui qui l'a composé. Je pense que vous voyez déjà de quoi je veux parler, c'est le cadeau post-générique. Merci d'avoir écouté cette 251e édition de la saga des Fab Four consacrée cette fois-ci uniquement à Paul McCartney. Ça m'a... Et j'ai pas vu le temps passer. Je sais pas vous, mais je n'ai pas vu le temps passer. J'aurais aimé qu'il y ait encore, allez, une heure, deux heures de Paul McCartney. Et sans problème avec moi. Sans problème. Je vous fais des grosses bises. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et pour les mêmes raisons, l'album de la semaine, je le sais déjà, ce sera le nouvel album Postcard from Paradise de Ringo Starr. Et après le reste, vous allez bien voir. Bonne soirée, restez pour la chanson post-générique et à très bientôt. Salut! shining, I'm positive. We can run away. Then I heard you was talking trash. How about a mystery? Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin'. And we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want. And I know that you're home tonight, thinking how could I be so selfish. But you called about 1,000 times, wondering where I've been. Could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride. That just ain't up for sale. See, all of my kindness, mm-hmm, is taken for weakness.